Section 5 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 1er. Chapitre 1, quatrième partie, revue des provinces de l'Empire, par André Berthelot. L'Empire d'Occident comprenait les préfectures du prétoire des Gaules et d'Italie, subdivisées en 6 diocèses et 58 provinces, dont un proconsulat relevant directement de l'empereur. L'Empire d'Orient comprenait les préfectures du prétoire d'Illyrie et d'Orient, subdivisées en 7 diocèses et 42 provinces, dont un proconsulat. 1. La préfecture du prétoire des Gaules comprenait les diocèses d'Espagne, des Gaules, de Bretagne. Le diocèse d'Espagne formait les 7 provinces suivantes. La Bétique s'étendait entre la Guadiana et la mer, sur le bassin du Guadalquivir et sur la côte voisine de la Méditerranée. Elle correspond à l'Andalousie. Très bien cultivée et fertile, c'était un pays riche, avec des cités importantes. Gades, Cadix, Cordoba, Cordoue, Hispalis, Séville. La Lusitanie s'étendait entre le Douro et la Guadiana. Colonisée plus récemment et moins peuplée que la Bétique, elle avait pour ville principale Pax Julia, Beira, Scalabis, Santarem, Olisipo, Lisbonne, Emerita Augusta, Mérida. La Galicie s'étendait entre le Douro et le golfe de Gascogne. Elle avait pour ville principale Bracara, Braga, Lucus Augusti, Lugo. Cette région, la plus tard conquise et colonisée de l'Espagne, comprenait de nombreuses tribus montagnardes presque indépendantes. La Tarraconaise comprenait le bassin de l'Èbre, le haut bassin du Douro, la côte entre les Pyrénées et la mer. Les principales villes étaient Tarragone, Barcelone, Caesaragusta, Saragosse, Clunia, aujourd'hui ruinée, Ségovie. La Carthaginoise comprenait le haut bassin du Tage, région de l'Espagne centrale, avec Tolède, et la province actuelle de Valence. Sa capitale, Carthagène, était le grand marché fondé par les Phéniciens. Elle conserva son importance jusqu'à la fin du VIe siècle. La province des îles Baléares, la Mauritanie Tingitane, correspondait au Maroc actuel, allant jusqu'à la Malouia, à l'est. Elle tirait son nom de sa capitale, Tingis, Tanger. La Bétique, la Lusitanie, la Galicie étaient administrées par un consulaire, les 4 autres provinces par un président. Le diocèse des Gaules, ou des 7 provinces, ainsi nommé parce qu'on avait réuni le diocèse des 7 provinces méridionales à celui qui administrait directement au IVe siècle, le préfet du prétoire, Gaule septentrionale, comprenait 17 provinces et 117 cités. La Novème Populanie, entre la Garonne et les Pyrénées, avec les cités de Elusa, Hoz, Augusta Ausciorum, Hoch, Lugdunum, Convenarum, Saint-Bertrand de Comminges, Oppidum, Oisatum, Bazas, etc. L'Aquitaine première s'étendait sur le plateau central entre Garonne et Loire avec les cités des Cadourcy, Cahors, Albigenses, Albi, des Arvernes, Auvergne, des Lémovices, Limoges, des Bituriges, Bourges. L'Aquitaine deuxième s'étendait à l'ouest de la précédente sur les cités d'Aguinum, Agen, Bordigala, Bordeaux, Petrocorii, Périgueux, Santonès, Sainte, Pictavie, Poitiers. La Narbonnaise première allait de la Garonne au Rhône, avec Toulouse, Narbonne, Nemausus, Nîmes, Viviers. La Narbonnaise deuxième comprenait les bassins de l'Argence et de la Moyenne Durance, avec Aquae Sextiae, Aix, Forum Julii, Fréjus, Apta Julia, Apt, Segustero, Sisteron. La Viennoise formait une bande à l'est du Rhône, avec Marseille, Arles, Orange, Dea Vocontiorum, Di, Vienne, Gratianopolis, Grenoble et Genève. Les Alpes-Maritimes comprenaient Nice, Digne et Brodunum, Embrun. Les Alpes Pennines et Grées comprenaient le Valais et la Savoie orientale avec la Tarentaise. La Lyonnaise première comprenait les cités de Lugdunum, Lyon, Forum Segusianorum, Fer, Augusto Dunum, Autun, c'est-à-dire le pays entre Loire et Saône, jusqu'à Alésia, au nord, en y joignant la Bresse. La Lyonnaise deuxième correspondait à la Normandie. Les cités extrêmes étaient Rotomagus, Rouen, et Abrincatui, Avranches. La Lyonnaise troisième comprenait au sud de la précédente les provinces d'Armoric, Anjou, Maine, Touraine, avec les cités de Caesarodunum, Tours, Juliomagus, Angers, Nantes, etc. La Lyonnaise quatrième ou Sénonaise s'étendait entre Loire et Seine sur les cités de Guénaboum, Orléans, Autricum Carnutum, Chartres, Agedincum, Sens, Augusto Bona Tricassum, Troyes, Meldi, Meaux, Lutetia Parisiorum, Paris. La grande séquanaise, Maxima Sequanorum, comprenait les deux versants du Jura, s'étendant de la Saône à l'ouest, presque jusqu'au Rhin à l'est, et au lac de Genève au sud. Les principales villes étaient Vesontio, Besançon, Aventicum, Avanches, Augusta Rauracorum, Oxt, l'Alsace méridionale en faisait partie. La Belgique première comprenait essentiellement le bassin de la Moselle, entre les Vosges et l'Argonne, avec Touloum, Toul, Mediomatrici, Metz, Verodunum, Verdun, et Augusta Trevirorum, Trèves. La Belgique première était limitée à l'est par la Meuse et une ligne tirée jusqu'à l'Escaut inférieur. Elle renfermait les bassins de la Marne, de l'Oise, de la Somme, de l'Escaut, avec Reims, Soissons, Senlis, Amiens, Beauvais, etc. La Germanie première, réduite à la rive gauche du Rhin, allait d'Argento Ratum, Strasbourg, à Mongontiacum, Mayence. La Germanie deuxième comprenait le bassin inférieur de la Meuse et les bouches du Rhin, avec les cités de Tongres, Colonia Agrippina, Cologne, Noviomagus, Nimeg, Lugdunum Batavorum, Leyde, Trajectum, Utrecht. La Viennoise, la Lyonnaise première, la Grande Séquanaise, la Belgique première, les deux Germanies, étaient administrées par un consulaire, les autres provinces par un président. Le diocèse de Bretagne se subdivisait en cinq provinces dont on sait mal la situation, Valentia, Maxima Caesariensis, administrée par des consulaires, Britannia Prima, Britannia Segunda, Flavia Caesariensis, administrée par des présidents. On admet que la Valentia était la province comprise entre les murs d'Adrien, de la Tyne au golfe de Solway, et d'Antonin, du Forth à la Clyde, dévastée par les Pictes et les Scots, réorganisée au temps de Valentinien et de Valence. On peut présumer que les quatre autres provinces avaient à peu près les limites suivantes, de la Tyne à l'Humber, de l'Humber à la Tamise et à la Severn, de la Tamise à la mer, de la Severn à la mer. Il n'y avait pas dans la Grande-Bretagne de villes aussi importantes que l'étaient en Gaule, Arles, Lyon ou Trèves. Cependant, on en trouvait un bon nombre, Camelodunum, Colchester, Durovernum, Canterbury, Wentaikenorum, Norwich, Aquaesolis, Bath, Lindum, Lincoln. Les deux centres les plus importants étaient au sud, Londinium, Londres, et au nord, Eboracum, York. Cette île était enrichie par la culture du blé qui y prospérait à ce point qu'elle jouait presque au nord le rôle de la Sicile au sud. Les Romains n'ont jamais pu assujettir la Calédonie, Écosse, et ne paraissent pas avoir mis le pied dans l'Hibernie, Irlande. 2. La préfecture du prétoire d'Italie comprenait les diocèses d'Italie, de Rome, d'Afrique. Le diocèse d'Italie formait 15 provinces, dont 7 représentaient l'ancien diocèse de Pannonie et 8 celui d'Italie, Italie du Nord et Rétie. La Rétie première comprenait la haute vallée du Rhin, de l'Inn et de l'Adige, avec la ville de Curia, Coire. La Rétie deuxième comprenait le haut bassin du Danube et ceux de ses affluents, le Lech et l'Isard, avec les villes d'Augusta, Windelicorum, Augsbourg et Regina Castra, Ratisbonne. Le Norig riverain s'étendait le long du Danube, de l'Inn aux portes de Vienne, avec les cités de Huahum, Salzbourg et l'Aroecum, l'Or. Le Norique méditerranéen ou intérieur comprenait les hautes vallées alpestres de la Salza, de l'Enz, de la Moure, de la Drave, avec les villes de Wirunum et Amona qui ont disparu. La Pannonie première et la Pannonie seconde se partageaient la région qui s'étend au pied des Alpes jusqu'à la zone riveraine du Danube, entre ce fleuve au nord, la Drave au sud. Dans la première était Windobona, Vienne. Dans la seconde, Carnuntum, ruiné, à l'est de Vienne. La Valérie riveraine s'allongeait le long du Danube jusqu'à la Save. Elle renfermait la ville d'Aquincum, Bude. La Savie comprenait le bassin de la Save avec les importantes cités de Siscia, Sisek, et de Sirmium, Mitrovica. La Dalmatie comprenait la Dalmatie actuelle, mais s'avançait bien plus profondément dans l'intérieur. Les villes principales étaient Salone et Narona. La Vénétie et Istrie s'étendaient jusqu'à l'Adda, avec Aquilée, Vérone, Trente, Bergame. La Ligurie comprenait la moitié occidentale du bassin du Pô, au nord et au sud du fleuve, avec Milan et Turin. Les Alpes cotiennes correspondaient au piémont occidental, avec Segusio, Suse, et Brigantium, Briançon. L'Émilie était au sud du Pô, le long de la chaussée à laquelle elle avait emprunté son nom, s'échelonnaient Plaisance, Parme, Reggio, Modène, Bologne. La Flaminie et Picenum Annonaire étaient l'ancien territoire ombrien et gaulois, plus la région du Picenum qui s'étendait au pied de l'Apennin, près de la mer, avec les cités de Ravenne, Ariminum, Rimini, etc. La Valérie riveraine était administrée par un duc, la Savie par un correcteur. La Vénétie et Istrie, la Ligurie, l'Émilie, la Flaminie et Picenum, la Pannonie seconde, par un consulaire. Toutes les autres provinces par un président. Le diocèse de Rome comprenait 10 provinces, la Toussie et Ombrie s'étendaient entre l'Apennin, le Tibre et la mer. Le chef-lieu était Volsini, Bolsena. La Flaminie et Picenum suburpicaire comprenaient la zone montagneuse de ces deux provinces, région de l'Apennin central. La Valérie en avait été détachée. Elle correspondait à l'ancienne Sabine, un peu accrue. Tibour, Tivoli et Fidène en faisaient partie. La Campanie était formée de l'ancienne Campanie, accrue de presque tout le Latium et de la haute vallée de Vulturne. Le chef-lieu était Capoue. Le Samnium avait conservé à peu près ses anciennes limites autour de Boianum, Boiano. On en avait détaché au sud le pays des Irpins, donné à la province suivante. Mais il avait gagné celui des Frantans, par lequel il touche à l'Adriatique. La Puglie et Calabre dépassaient les limites de la riche plaine de l'Adriatique. À l'est, le Brandano la séparait de la Lucanie. Au nord-est, elle touchait à la Campanie et comprenait Bénévent. La Lucanie et Brutium renfermaient les montagnes du sud-ouest de la péninsule. Son chef-lieu était Regium, Reggio. Les îles de Sicile, de Sardaigne et de Corse formaient les trois dernières provinces du diocèse de Rome. La Valérie, le Samnium, la Sicile, la Sardaigne, la Corse étaient administrées par un président. La Pulie et Calabre, la Lucanie et Brutium par un correcteur. Toutes les autres provinces par un président. Le diocèse d'Afrique comprenait 5 provinces. La Bizacène correspondait à peu près à la Tunisie centrale et méridionale, avec Hadrumet, Sousse, Soufetoula, Télepte, Kapsa, etc. La Numidie correspondait à notre province de Constantine, avec Constantine, Hippone, Beaune, etc. La Mauritanie cilifienne et la Mauritanie césarienne étaient ainsi nommées de leur capitale Sétifis, Sétif, et Caesarea, Cherchel. La Tripolitaine. Les deux premières provinces étaient administrées par un consulaire, les trois autres par un président. La province d'Afrique, Tunisie septentrionale, avec l'opulente Carthage, formerait une 6e province, mais elle relevait directement de l'empereur et non pas du vicariat d'Afrique. Elle était administrée par un proconsul. 3. La préfecture du prétoire d'Illyrie comprenait 12 provinces. La Caie, l'ancienne Grèce, était administrée par un proconsul. Les 11 autres se répartissaient entre les diocèses de Dacie et de Macédoine. Le diocèse de Dacie était situé au sud du Danube. ce nom ayant été appliqué à une partie de la Mésie après l'évacuation de la véritable Dacie et comprenait 5 provinces. La Mésie première correspondait à peu près à la Serbie actuelle. Elle renfermait la forte place de Singidunum, Belgrade, au confluent de la Save et du Danube. Margus, sur la Morava, Wiminakium, Bratitschevo. La Dardanie était au sud de la précédente province, au cœur de la péninsule balkanique, dans la région des sources de la Morava, de la Drina, du Vardar, avec les villes de Pristina, Pristina, Ulpiana, Lipljane, Skupi, Uskub. La Prévalitane s'étendait à l'ouest de la Dardanie jusqu'à l'Adriatique autour de Skodra, Skutari. La Dacie méditerranéenne correspondait au sud-ouest de notre Bulgarie avec les cités importantes de Naissus, Nissa et Sardik, Sofia. La Dacie riveraine était au nord de la précédente le long du Danube. Parmi ces villes était Ratiaria. La dernière de ces provinces avait à sa tête un duc, l'avant-dernière un consulaire, les autres un président. Le diocèse de Macédoine était formé de 6 provinces. La Macédoine, proprement dite, comprenait la moitié méridionale de l'ancien royaume d'Alexandre, avec Thessalonique, Salonique, Philippe. La Macédoine salutaire en avait été détachée au nord. La Thessalie, l'Épire nouveau ou septentrional, l'Épire ancien ou méridional. Les villes principales de ces 3 provinces étaient respectivement Laris, d'Irakium, de Razzo, Nicopolis, Préfessa. La Crète, la Macédoine propre et la Crète étaient administrées par un consulaire, les autres par un président. 4. La préfecture du prétoire d'Orient était la plus vaste et la plus riche de l'Empire. Elle était subdivisée en 5 diocèses, Thrace, Asie, Pont, Orient, Égypte. De plus, le proconsulat d'Asie, l'ancienne Ionie, relevait directement de l'empereur et on y rattachait les provinces des îles Cyclades, Lesbos, Chios, Samos, Rhodes, administrées par un président, et l'Hellespont, administrées par un consulaire. Le diocèse de Thrace comprenait 6 provinces. La Mésie deuxième, entre le Danube et les Balkans, Bulgarie orientale, avec Nicopolis, Nicopoli, et Markianopolis, Périyaslav. La Scythie, à peu près représentée par la Drobouja. La Thrace répondait au bassin supérieur de la Maritsa. Sa ville centrale était Philippopolis. L'Émimon se trouvait à l'est, vers la mer Noire. Son chef-lieu était Adrianapolis, Andrinople. La province du Rhodope s'étendait autour de la montagne de ce nom jusqu'à la mer Égée. L'Europe comprenait les environs de Constantinople, la rive européenne de l'Hellespont. La Thrace et l'Europe obéissaient à un consulaire, les autres à un président. Le diocèse d'Asie comprenait 8 provinces situées à l'ouest et au sud-ouest de l'Asie mineure. La Lydie et la Pamphylie avaient des gouverneurs consulaires. La Carie, la Lycie, la Pisidie, la Lycaonie, la Phrygie pacifiée ou occidentale, la Phrygie salutaire ou orientale obéissaient à des présidents. Le diocèse de Pont comprenait 11 provinces. La Bithynie, avec Nicomédie et Nicée, et la Galatie, proprement dite, étaient administrées par des consulaires. La Paphlagonie par un correcteur, les autres par des présidents. C'était l'Honoriade, formée entre la Bithynie et la Paphlagonie, avec 6 cités enlevées à ces provinces. L'Hélénopont, moitié occidentale du pont, avec Sinope et Amasia. Le pont polémoniaque ou oriental, avec Trapezus, Trébizonde, la Galatie salutaire, la Cappadoce première ou septentrionale, avec Césarée, Caesariée, la Cappadoce seconde ou méridionale, avec Tyane, Karahisar, l'Arménie première avec Sébaste, Sivas, l'Arménie seconde au sud avec Mélitène, Malatia. Ces 2 Arménies étaient séparées par l'Euphrate de la Grande Arménie, pays vassal, non organisé en province. Le diocèse d'Orient est l'ancienne Syrie, accrue de la Cilicie, des pays du Moyen-Euphrate et de la Palestine. Nous y trouvons 15 provinces. L'Isaurie, la Cilicie première ou occidentale avec Tarse, la Cilicie seconde, la province de l'Euphrate, Augusta Euphratensis, était située à droite de ce fleuve. Elle comprenait l'ancienne Commagène avec Hiérapolis. Dans la boucle de l'Euphrate était Losroën, avec Car, Édesse, etc. Plus à l'est, la Mésopotamie, avec Nisibis. Au nord, la Sophène, formant une satrapie qui n'avait pas rang de province. La Syrie première enfermait la grande ville d'Antioche. À l'est, la Syrie seconde, avec Apamée, Famier, la Phénicie, l'île de Chypre renfermait d'opulentes cités commerciales, la Phénicie du Liban comprenait les cités de l'intérieur, Damas, Émez, Palmyre. La Palestine première enfermait Césarée et Jérusalem. La Palestine seconde s'appelait encore Palestine salutaire ou Arabie du Liban. Elle comprenait la région à l'est du Jourdain avec la ville depuis ruinée de Bostra. L'Arabie s'étendait plus au sud. Elle avait pour capitale Petra. L'Isaurie était administrée par un comte militaire, l'Arabie par un duc, la Bithynie, la Galatie propre, la Cilicie première, la Syrie première, la Phénicie, la Palestine première, par un consulaire, les autres provinces par un président. Le diocèse d'Égypte avait à sa tête un préfet, Praefectus Augustalis, conformément à la tradition romaine impériale. De ces six provinces, l'Augustamnique avait à sa tête un correcteur, les autres des présidents. L'Égypte proprement dite représentait la partie occidentale de la Basse-Égypte et du Delta, avec Alexandrie. L'Augustamnique formait la moitié occidentale avec Péluse. L'Arcadie correspondait à la Moyenne-Égypte avec Memphis, Arsinoé. La Thébaïde à la Haute-Égypte, depuis Hermopolis jusqu'à Philae. La Libye supérieure était l'ancienne Cyrénaïque. La Libye inférieure était la province comprise entre celle-ci et l'Égypte, avec la ville de Paré-Taonium et l'oasis d'Amon. Fin de la section 5.